Les émotions. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Les émotions sont des énergies qui sont produites par l'âme en réaction à des pensées. Plus l'individu est inconscient, et plus il va générer des émotions parce qu'il va réagir à l'influence des formes que sont les pensées. Lorsque l'individu est influencé par des entités astrales, il est amené par elles à générer des émotions car elles se nourrissent de ce type d'énergie produite par lui. Par contre, lorsque l'individu commence à être en fusion avec l'énergie de l'esprit, il va moins ressentir des émotions car ce dernier n'est pas émotif. Ainsi, il va modifier son fonctionnement psychique pour le rendre plus efficace. Lorsque l'individu se conscientise, il est amené à réaliser qu'en général, de sécréter des émotions en réaction à des pensées, cela lui occasionne une perte d'énergie inutile et que cela est d'autant plus réel s'il réfléchit constamment dans son mental les pensées occasionnant les émotions en les recensant. Par exemple, de ressentir du découragement parce qu'il a échoué à un examen ne lui permettra pas de revenir dans le passé pour modifier la situation et le réussir. Cela est d'autant plus vrai s'il passe les semaines suivant cet événement à le réfléchir et à souffrir plutôt que de se mettre en action pour faire autre chose. Par exemple, cela pourrait être d'étudier dans le but de le refaire et le réussir à présent. Par contre, dans certaines situations de ressentir des émotions, cela s'avère pertinent. Par exemple, de ressentir de la peur quand il y a une menace réelle et de vivre du stress, cela permet de sécréter de l'adrénaline dans l'optique d'être en mesure de courir plus rapidement qu'à l'habitude, sous son influence. Donc, de ressentir des émotions peut avoir une utilité face à une menace réelle et directe. Par exemple, cela peut servir à l'individu de se tasser rapidement de la route lorsqu'il y a une voiture qui est sur le point de le frapper. Souvent, les émotions sont engendrées par le fait que l'individu n'est pas en mesure d'assumer le réel sans jeter sur lui un regard polarisé en y réfléchissant. Par exemple, si quelqu'un ressent de la joie parce qu'il vient d'apprendre qu'il a gagné beaucoup d'argent à la loterie, eh bien, il est impressionné par cette forme qui va l'amener à ressentir cette émotion. Par contre, s'il réalise qu'il vient de perdre à la loterie, il est susceptible de ressentir de la tristesse. Toutefois, si l'individu est libre de l'attachement à la forme, il ne vibrera plus émotivement et cela peu importe ce qui arrive. Qu'il gagne ou perde à la loterie, cela ne l'amène pas à ressentir d'émotions particulières car il n'y réfléchira pas. Il est plus détaché à l'égard de l'événement. L'un des éléments qui favorise la production d'émotions est le fait de donner de la valeur à des croyances en termes de bien et de mal ou de vrai et de faux dans son mental. Tant et aussi longtemps que le mental humain est polarisé par des entités qui lui acheminent des pensées, qui sont des croyances, à l'effet que certaines choses sont positives ou négatives en soi, cela est susceptible d'amener l'individu à réagir émotivement à ce qui est présenté. Par exemple, quelqu'un peut croire une entité qui lui achemine dans sa psyché l'idée que s'il perd son travail, c'est mauvais, s'il s'imagine ne pas être en mesure d'en trouver un autre. Dans cette optique, s'il est congédié, il risque de ressentir du désespoir plutôt que de vivre l'événement sans le colorer d'émotions. D'ailleurs, c'est souvent le fait que l'âme va avoir tendance à se créer un surplus de souffrance psychologique à l'égard d'un événement sur le plan émotif en y réfléchissant constamment, qu'elle va obstruer sa perception de son esprit. Bref, la perception des émotions qui sont des énergies lourdes va masquer celle de l'intelligence créative de l'esprit qui est plus difficile à percevoir car subtile. La perception et la communication avec l'esprit pourra amener l'individu à vivre calmement l'événement en lui présentant son regard sur ce dernier. De plus, il pourra discuter avec lui dans l'optique de se remettre en action pour se trouver un autre emploi. Plus l'être se conscientise, moins il vibre émotivement et moins il est intéressé par les activités qui le font ressentir des émotions, car il se nourrit à la place de la vibration venant de l'esprit. Par exemple, quelqu'un qui s'éveille risque moins d'être intéressé à regarder des films d'horreur pour se sentir vivant à travers le ressenti émotionnel qu'il occasionne. Cela s'explique étant donné qu'il pourra se nourrir du ressenti de la vibration qu'il va percevoir de son esprit à la place. D'ailleurs, les gens vont souvent consommer des films pour vibrer émotivement pour compenser la présence d'un vide à l'intérieur d'eux. Par contre, s'ils vivent la plénitude du ressenti de la présence de leur esprit, ils vont se nourrir de cette vibration créative plutôt que de formes extérieures à eux qui sont plus lourdes. Donc, ils vont modifier leur alimentation psychique en vue de se nourrir d'une vibration présentant plus de vitalité. Par contre, ce changement ne peut pas se produire s'ils ne perçoivent pas la vibration de l'esprit, car ils ne sont pas en mesure de se nourrir de quelque chose qu'ils ne perçoivent pas. Ainsi, ce changement mental nécessite au préalable la fusion avec l'esprit. L'âme, qui vivait presque exclusivement en fonction du corps et sa nature animale, durant l'involution, soit la forme, va vivre de plus en plus en fonction de l'esprit, qui est une énergie intelligente lors de l'évolution. Ce changement va l'amener à être de plus en plus libre des émotions durant son futur. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur les émotions.